Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition un peu prématurée de La Croche-Oreille. C'est Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin avec vous. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Et salut aussi à notre ami John Blouin, qui est quelque part sur la Côte-Nord, à qui on envoie toutes nos salutations et nos vœux de bon voyage. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une pièce de Hank Bull sur un disque qui s'intitule « L'anniversaire de l'art ». Et c'est un blues pour Robert. Et justement, Robert, moi j'ai pensé que c'était un blues pour Jocelyn Robert. Mm-hmm. Parce que c'est un disque sur lequel Jocelyn Robert apparaît au moins 3 fois. Et donc, c'est l'anniversaire de Jocelyn Robert aujourd'hui. Alors, c'est notre façon à nous, ici, à La Croche-Oreille, de souligner l'anniversaire d'un pionnier, d'un émule de beaucoup de gens dans le domaine de l'art sonore et aussi un artiste très prolifique qui a produit beaucoup, beaucoup de disques. J'ai cessé de les compter. Donc, Jocelyn Robert, bon anniversaire à toi. Et au menu ce soir, au-delà de l'anniversaire de Jocelyn Robert, au menu ce soir, c'est notre dernière émission. Je veux dire merci à Michel, d'abord, celui qui nous précède d'habitude et qu'on remplace. On dit merci à Michel de nous avoir permis de bénéficier de sa plage horaire et donc de pouvoir vous offrir 2 heures d'émission ce soir. On va vous parler du projet Havre, Gaétan, dont tu as été le porteur. Oui, tu étais le porteur, ouais. Parce que tu les as rencontrés. Tout à fait. Il s'agit de Chantal Dumais et de... Chantal Dumais et Michel... Et Sylvain Campeau. Donc, on va parler de ce projet-là. On va accorder une bonne partie de cette première heure à ce projet. On aura aussi quelques mots et quelques extraits, et un extrait sonore sur l'installation d'Alexis Bellavance, qui est toujours en place à Regard et qui est là d'ailleurs jusqu'au 16 juin. Et en deuxième heure, nous consacrerons toute l'heure à, je dirais, une sorte de bébite de la musique à Québec, un chercheur, un curieux, quelqu'un qui fouille tous les horizons, quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Vous aurez reconnu Nicolas Jobin. Donc, on passera 1 heure avec lui à fouiller ce que moi j'appelle les musiques ou les sonorités du futur. Il a produit un spectacle dernièrement où il retraçait l'histoire de la musique à partir de l'homme de l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui. Alors je l'ai invité à fouiller ce que ça va être la musique à partir d'aujourd'hui jusqu'à tant 2000, 3000, en tout cas un peu. Hein. On verra avec lui. Alors on va se remettre dans l'ambiance avec Jocelyn Robert, une toute petite pièce qui va nous préparer par la suite à parler du projet de nos amis Campo et Dumas. Donc, une pièce de Jocelyn Robert, tirée de l'anniversaire de l'art aussi, La ville autocrate. Thank you. C'était une petite composition très courte, d'à peine une minute, de Jocelyn Robert sur ce disque de l'anniversaire de l'art qui était produit en 1900, si je me rappelle bien, 96, c'était une production du lieu qui avait regroupé toute une série d'artistes et qui avait été invité à l'occasion. Évidemment, l'anniversaire de l'art, c'est au mois de janvier, habituellement, c'est le 17 janvier, mais qui on en parle aujourd'hui parce que c'est notre ami Jocelyn qui était présent. Alors, Gaëtan, maintenant, on va parler d'un projet que tu as eu l'occasion de discuter avec ces deux animateurs, ces deux concepteurs. Deux créateurs, Sylvain Campeau, Chantal Dumas, qui ont travaillé ensemble autour d'un projet qui s'intitule Havre au pluriel. Mm-hmm. Un projet assez singulier, je dirais, dans sa forme artistique. Chantal Dumas, dans l'entrevue qu'elle m'a donnée avec Sylvain, essayait de nommer ce projet-là, puis elle parlait de poésie-musique. J'essayais de les amener sur cette idée de la poésie sonore, et je pense que on peut faire le pont entre ces deux concepts-là. Pour rappeler que Sylvain Campeau, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un intellectuel qui réfléchit, je dirais, comment on peut amalgamer des propositions, des réflexions artistiques. C'est quelqu'un qui a été commissaire d'exposition, mm-hmm. donc très actif, et qui cherche depuis quelques années à faire des combinaisons. Des croisements, mm-hmm. Sur le plan, mixer la poésie avec des univers soit théâtraux, soit performatifs, puis avec Chantal Dumas, artiste sonore bien connu, mm-hmm. Une voix, je dirais, même au sens littéral. Dans tous les sens du mot, oui. Oui, tout à fait, une voix, on va l'entendre tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a une belle réflexion sur les univers sonores, et puis ces filiations qu'on peut faire entre la musique, le son, et dans leur cas, on ajoute la poésie et le territoire. Le Havre, pour faire une histoire mm-hmm. courte, parce qu'ils vont nous en parler, c'est l'idée qu'ils ont eue de travailler sur un lieu, et ce lieu, ça s'est adonné à être la cité du Havre à Montréal, une bande de terre aujourd'hui assez imposante, parce qu'elle a été transformée par l'homme au cours des deux derniers siècles. Je vais faire un raccourci historique, mais il reste que je dirais sur une période de deux siècles, une petite langue de terre qui est dans le fleuve Saint-Laurent et qui sert grosso modo à couper les vagues va être transformée durant tous ces travaux qu'on va amorcer pour faire le canal de la Chine, pour aménager des installations portuaires. Et c'est un peu ce parcours historique que va emprunter Sylvain Campeau pour parler de cette trame territoriale dans l'espace, dans l'histoire, et il va interpeller Chantal Dumas pour venir enrober d'une certaine façon, d'une manière plus contemporaine, cette réflexion poétique sur la transformation d'un territoire. Et la cité du Havre, pour se repositionner... Est-ce que c'est là qu'on retrouve Expo 67? L'Habitat 67? Habitat 67, okay. C'est, je dirais, l'expression la plus contemporaine mm-hmm. de la transformation d'un espace physique depuis l'arrivée des premiers Européens en terre d'Amérique. Et je dirais que c'est un peu l'écho de ce travail qu'ils ont cherché à faire ensemble et qui donne lieu à une trame sonore, poétique, narrative, de 17 minutes. Donc ce soir, on pourrait entendre Sylvain Campeau et Chantal Dumas nous parler de ce projet. Donc on fait un retour en arrière en quelque chose comme 17 minutes. 17 minutes, c'est ça, et de réflexion vraiment intéressante, tout ça se passant en face du parc La Fontaine à Montréal, à la maison des cyclistes ou à la maison du vélo, quelque chose comme ça. Oui. C'est une entrevue très vraiment pleine, une entrevue pleine d'ambiance. Sylvain, Chantal, merci de me recevoir. Je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous savez l'un de l'autre? Ben sur le plan artistique, je dirais que moi, j'étais pas un fan des arts sonores. C'est comme une espèce d'engouement que j'ai eu pour explorer ce domaine-là. C'est pas un domaine qui m'était très familier. J'ai commencé à chercher, à me poser des questions, à me demander qui étaient les éléments, les gens les plus représentatifs. Et je suis tombé sur le travail de Chantal. Et moi, je cherchais des occasions de travailler en collaboration. Et ça m'a semblé être une collaboration qui pourrait être féconde, intéressante. Et poésie, hein? Poésie et d'art sonore. Et c'est moi, je pense, hein, qui t'est approché. On s'est rencontrés, on a commencé à discuter ensemble. Et on s'est rencontrés longtemps, c'était pas voisé en fait. On s'est rencontrés dans un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Où on s'est vus dans les cafés, je t'apportais des trucs à écouter, on parlait, on se voyait pas. Durant un certain nombre de mois, on prenait rendez-vous, on se revoyait, on se disait qu'est-ce qu'on fait. Et puis voilà. Je t'ai apporté des choses à lire. Tu m'as apporté des choses à lire. Probablement. Oui, exactement. Oui, j'ai une collection de recueils de Sylvain chez moi. J'en ai 3-4, je pense, des trucs comme ça. Ouais. Alors, on a échangé comme ça, c'est ça, oui, c'est vrai, on a appris à se connaître. On n'avait pas de stress, on va essayer de faire quelque chose. On verra, ça prendra le temps que ça prendra. Puis, Puis il y avait aussi l'idée, Sylvain écrit, mais il écrit pour être lu. Puis moi, je travaille le texte pour être dit, en fait. Donc, il y avait aussi cette problématique-là, comment on aborde ça, un texte écrit qui doit être dit, est-ce que c'est le même type d'écriture, est-ce que... Et ça, on a eu beaucoup de questions autour de ça, à partir du moment qu'on a commencé à travailler ensemble, en fait. Je me souviens plus de la suite logique. Je sais qu'à un moment donné, on a élaboré un projet. Au moment où on a élaboré le projet, c'était clair qu'il ne devait pas y avoir de texte préexistant. Il fallait que nous partions tous les deux du même point. Donc, il n'y avait pas de texte. Et on a fait une demande de bourse, on l'a obtenue à notre grande surprise peut-être, et on a commencé à travailler. Mais le point de départ était un lieu. Ça a été un lieu où Chantal m'a invité, on est allé le voir ensemble. C'était le parc de la Cité du Havre, sous le pont de la Concorde, et c'est de là que tout a démarré. C'était quoi votre méthodologie, je dirais, une fois que le lieu est désigné, et puis on parle de Havre, je vois sur la pochette, on parle de Havre au pluriel. Alors là, je pose deux questions en même temps, mais c'était quoi votre modus operandi pour avancer dans ce projet-là? La première proposition, je cherchais un lieu, comme vient de dire Sylvain, puis je lui disais, mais il y a ce coin de Montréal que moi j'aime beaucoup, donc on est allé du côté de Cité du Havre, puis il y a aussi, donc l'habitation dont on parlait, puis il y a la pointe aussi qui pour moi ressemble à un bateau, que je trouve assez particulière, c'est un parc qui est plutôt beau, qui est artificiel, dans le sens que ça a été construit, et d'un côté, on a le port, vu sur le vieux port, d'autre côté, c'est le fleuve, avec une vue sur le pont Jacques-Cartier. Pour moi, je trouve que c'est un point très, très particulier de Montréal. Puis avec l'histoire que Sylvain a écrite, et la façon dont il l'a développée, je trouve que c'est un lieu qui est vraiment propice, dans le sens que c'est le point d'arrivée aussi des premiers des colons. C'est aussi une vue sur ce que le début de la ville, puisqu'elle a commencé près du fleuve, et aussi ce fleuve qui se rétrécit, puis qui va se jeter dans le lac, donc en même temps qui change de configuration, puis de vocation, d'une certaine façon. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que c'était un lieu totalement artificiel. On se promène des fois dans des pays à l'histoire plus riche, et on sait que là où on marche, s'il s'est passé un nombre infini d'événements dans l'histoire. Ici, on est moins conscient de ça, mais ce que je trouvais fascinant, justement, c'est que ça, c'est totalement artificiel. C'est une pointe, et je croyais, moi, qu'elle avait été construite suite à l'Expo 67 uniquement, et j'ai appris que non. Elle avait été, c'était un quai qui s'appelait le quai de l'Horloge, qui était tout petit à l'époque, qui a été allongé à un moment donné parce que il y avait des débâcles au printemps. Donc, il fallait un genre de brise-lame, si on veut. Ça a été comme allongé et c'est devenu la jetée Mécaille et c'est devenu le parc de la Cité du Havre. Et de là, j'ai commencé à me poser des questions sur l'histoire de Montréal, sur ce qui avait amené et commandé ces transformations, ce qui m'a amené vers Expo 67, ce qui m'a amené vers le canal de la Chine, qui est totalement artificiel, ce qui m'a amené un peu vers Griffintown, qui est un lieu... pas mal oublié maintenant, totalement modifié, ce qui m'a amené vers l'histoire des Irlandais, ce qui m'a amené vers la révolte qui a eu, je ne me souviens plus de l'année, 1847, je crois. Ces autres, je l'ai oublié, j'ai pas la mémoire des dates. Et de fil en aiguille, ben, c'est devenu une espèce d'opéra à trois personnages, et je pense que ça a un peu surpris Chantal quand je suis arrivé avec cette espèce de... que c'était 17 pages au début. Sylvain, c'est intéressant parce que à la première et ou à la seconde écoute du projet, la question qui m'est venue, c'est comment on nomme un tel projet sur le plan artistique. Tu viens d'ici le mot opéra. Et Chantal, est-ce que tu as l'impression d'avoir participé à un morceau d'opéra en participant sur le plan de l'expression sonore à ce projet-là? Mais c'est une excellente question. On se l'est posé, puis on s'est dit comment on appelle. On a résolu la question en disant poésie-musique. Parce que opéra, pour moi, ça appelle vraiment avoir une façon un peu spécifique de construire aussi, puis de musicaliser, puis d'avoir des interrelations entre les différents personnages, tout ça. Et là, les personnages en question ce sont des temps, mais vraiment des temps. L'arrivée, ce qui existait avant, l'arrivée des pionniers, tout ça, et la présence irlandaise, en fait. Donc, il y a quelque chose dans le texte lui-même qui n'était pas un livret d'opéra. Non, mais qu'il y avait quelque chose de vaguement théâtral avec les personnages. Ça a été une surprise pour moi d'écrire comme ça, parce que c'est pas comme ça que j'écris en poésie normalement. J'écris pas avec cette idée d'avoir trois personnages, trois temporalités différentes. Et ça a été pour moi aussi une surprise que de m'engager dans ce sentier-là. Mais c'était la meilleure façon de rendre compte de différentes temporalités, de différents événements, de différents... Il y a eu des lectures aussi. C'est sûr que toute la lecture historique, il arrive un moment où la recherche prend le dessus sur l'intention artistique et on faut arrêter. Mais il y a eu l'excellent livre que moi j'ai adoré de Pierre Monette, Ononta, qui est une histoire de la montagne ici. Et à partir de ce qu'il imagine être la manière qu'ont eu les Amérindiens de nommer les lieux, il s'est interrogé sur le sens de cette façon de nommer, sur ce que cachaient ces noms. Alors moi, ça m'a fasciné et ça m'a amené vers le Mohawk, le Kanyan Keha. Et là, j'avais les mots, mais j'avais pas la prononciation. Il a fallu faire des recherches pour trouver comment prononcer ces mots. On voulait les intégrer. Mais ensuite, il y avait la question du gaélique. Le gaélique ou l'irlandais? Je me fais reprendre par notre spécialiste. Je pense que c'est l'irlandais. Je sais plus. Mais en tout cas, à chaque fois, on est tombé sur un homme extrêmement généreux qui était prof de passage à Concordia et qui enseignait l'irlandais ou le gaélique. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'il nous a vraiment beaucoup nourris. Et on a dans le livret, d'ailleurs... On va voir qu'est-ce qu'on écrit dans le livret. Qu'est-ce qu'on est... Dans le livret, on a du Kanyan Kea, on a du français, on a de l'anglais par la force des choses un peu, et on a de l'irlandais. Alors ça aussi, ça avait quelque chose d'assez... Et on le sait pas, hein, qu'il y a eu une révolte. On sait pas qu'il y a eu des morts. On l'a un peu oublié. Et je pense que ça nous dérange. Sylvain, je t'écoute. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un travail d'art engagé? Tu fais référence à l'histoire d'un territoire. Là, c'est le Québec, c'est une portion. On parle des communautés, des interrelations entre les communautés, et on parle de cette histoire oubliée. Est-ce qu'il y avait, il y a un peu cet engagement politique derrière le texte, derrière les sonorités? Oui, jusqu'à un certain point. J'ai pas pensé comme ça à l'époque, mais l'idée qu'il y a une richesse dont on n'est pas trop conscience ou dont on veuille pas avoir trop conscience, avec les différentes langues qui ont pu être utilisées ici. Oui, il y avait quelque chose de donner une sorte de préhistoire des lieux à partir le Kanyan Kea, entre autres, à partir de cette façon de nommer ces concepts qui sont parfois présents dans la langue et qu'on perçoit. Le fait aussi que... Je pense personnellement qu'on n'aime pas beaucoup se rappeler de cette révolte irlandaise parce que les Québécois ont toujours été confortables dans la position de victime. Et c'est difficile pour eux de s'imaginer comme partie prenante d'une certaine forme d'oppression. Et je pense qu'avec les Amérindiens, quand même, il y a eu une certaine forme d'oppression. Et avec les Irlandais aussi, même si beaucoup d'autorités à l'époque étaient anglaises, il reste que, si ma mémoire est bonne, celui qui est plus ou moins celui qui commande de faire feu, c'est un magistrat québécois francophone à l'époque. Vas-y, Chantal. Alors, oui, je dirais de façon plus contemporaine, il y avait aussi une prise de position qui était faite. Ce quartier, c'est Griffith Town, et qui est complètement en train de se transformer complètement. Donc, on rase tout, on construit des tours d'habitation vitrées. Donc, il y a vraiment un changement social qui est en train de s'opérer. Et c'est aussi cette idée, bon, l'idée de la mémoire dont on parle souvent, mais c'est de dire qu'il y a vraiment, tu viens de souligner l'effacement peut-être d'aujourd'hui par rapport au passé, mais encore un autre couvrement qui est l'effacement des gens qui vont aller habiter dans ces tours chics et dans ces condos chics et tout ça, ben, l'histoire est complètement effacée, en fait. Donc, il y a beaucoup de promotions. On voulait même ramener une espèce de moulin rouge tout près du vieux port. Donc, des trucs artificiels complètement, encore l'artificialité qui n'est pas ancrée dans l'histoire du lieu comme tel. Chantal, sur le plan sonore en tant que tel, bon, tu étais une artiste sonore. Quel a été ton matériel de départ, les idées de départ qui t'ont amené graduellement à créer cet univers sonore qui accompagne l'univers poétique de Sylvain? Ben, la première chose, je pense qu'il m'a plu, je l'ai écouté puis j'étais un peu mal prise avec le texte. Parce que comme le signé Sylvain, c'était très long, j'ai dit, ben là, c'était 17 minutes, on fait une heure, c'était pas tellement de propos. Et l'autre chose aussi, c'est que il est pensé en fonction de personnages, mais pour moi, c'est encore un texte pensé près d'écrit, en fait. C'est ce qui m'embêtait, comment rendre un truc plus sonore, plus oral, et puis propre à l'écoute, dans la façon dont c'est dit à partir de ce texte. Donc, on en a parlé, puis moi, j'ai dû, de mon côté, jouer. J'ai même demandé à une amie qui est comédienne de faire la lecture pour moi, puis de réécouter. Et finalement, la solution, ça a été... Ah, lui aussi est plus fort que nous. Je pense qu'une des... Toujours la solution, c'est qu'il faut commencer avec le son, en fait. Je m'amusais à construire des trucs plutôt musicaux, puis je rentrais pas dedans. Jusqu'au jour où j'ai commencé à enregistrer les voix. Donc là, on a choisi, ensemble d'ailleurs, parce que je demandais à Sylvain de participer, quel type de voix il entendait. On s'est fait des propositions de gens qu'on entendait, qui étaient sur YouTube, tout ça, puis si les voix nous convenaient, tout ça. Et on en est arrivé à se dire que ça serait bien que ce soit la voix des poètes aussi. Donc, ils sont trois poètes, finalement, incarner ces trois personnages-là. Donc ça, c'était fort intéressant. Donc José Aclay, Sylvain Campeau et voyons, notre amie Catherine Kidd, excuse-moi, qui a des origines irlandaises, en fait, dont j'adore la voix. Donc ça, c'était super. Elle a une voix magnifique, un peu grave, avec du grain, tout ça. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui s'est avérée très intéressante pour moi, c'était de trouver un aspect un peu documentaire à cette histoire-là. Parce que j'avais besoin de créer un contexte, puis je ne voulais pas qu'il soit complètement abstrait. Parce que le lieu était, lui, bien concret, puis Sylvain parle de roc, de mer, de terre, de creuser un canal et tout ça. Puis quand on parle du canal, on parle de la période de manufacture, mais aussi celle de la construction des ponts, des voies ferrées, donc il y a de métal, il y avait tout ça. Donc ça, c'était important. Donc on est allé faire je fais une histoire longue, puis je vais faire juste développer pour parler un petit peu des éléments. Donc on est allé à Kanawagé, tous les deux ensemble, rencontrer une dame au centre linguistique et culturel. L'appellation. Ouais, c'est écrit dans le à la toute fin, c'est écrit à la toute fin du livret, tout ça. Et donc on lui a demandé de nous dire des mots, comment on prononce, parce qu'on voulait avoir la couleur de la langue, ça s'avérait important pour nous. Tu parlais tantôt ce que la langue disait quelque chose. Et en effet, dans cette couleur, il y avait l'aspect politique, l'aspect multiculturel qu'on avait envie de souligner, puis que cette présence amérindienne, même si la langue se transforme et les Amérindiens se sont déplacés, sont tout de même le long, toujours, du fleuve, comme c'est, du lac, c'est lui. Alors, on a donc ces mots qui sont prononcés comme ça donc dans la langue amérindienne. Et on a aussi, l'irlandais. On a Sean qui est là, qui montre à Catherine comment dire les choses, et puis lui qui nous dit aussi des mots. Et ça, j'ai intégré, en fait. Ce qui fait qu'on a plus de voix, ça nous donne aussi ce côté-là, cette présence, l'autre aussi. Il y a quelque chose de l'altérité là-dedans. Et puis, mon projet, ça a été d'en faire une mise en scène sonore. Ça, c'est la chose qui est importante, de donner des lieux physiques. Et là, j'avais fait des enregistrements d'un power il y a assez longtemps au Cégep Saint-Laurent, que j'ai utilisé, que j'ai intégré. Donc, on a des jingle bells qu'on entend chanter, tout ça. Et puis l'autre élément, c'est aussi je parlais tantôt de la période irlandaise, qui sont vraiment avec l'arrivée de l'industrialisation de Montréal, la construction d'ouverture donc du canal, puis aussi il y a le chemin de fer, mais avant ça la construction du pont, tout ça, donc développer un peu ces aspects-là de métal, qui donnent vraiment comme une couleur qui est représentative un peu. C'est un travail tout de même qui semble inspirer ou appartenir à l'univers de la poésie sonore. C'est un peu, je t'écoute, puis je repense à la trame sonore de ce travail-là, puis il y a un travail de la voix, travail de l'articulation, puis évidemment, tout ce qu'on peut imaginer dans les sonorités étrangères et ça en fait un projet vraiment intéressant à cet égard-là. Et peut-être en conclusion, ce que j'aimerais vous savoir, là, l'avenir du projet, comment il s'exprime là, dans le... Il y a un magnifique CD, une pochette qui est fort bien réalisée. Maintenant, l'expression de ce projet-là, est-ce que c'est de nature CD essentiellement ou s'il y a un souhait ou une expression là, d'art vivant à travers ce projet? Ben, je crois que on a eu quand même la chance de l'entendre dans un certain nombre de radios. Montréal, Québec, bientôt. La France, un extrait en Belgique, peut-être un extrait en Irlande, mais on n'a rien compris parce que c'est en irlandais. Alors, ça a fait ce genre de petite tournée. J'espère que ça va continuer. Pour ce qui est, j'aimerais trouver des occasions, des manières d'isoler des gens, petits groupes de gens, dans un environnement sonore de qualité, de leur permettre de s'asseoir ou de se coucher même éventuellement pour l'entendre. Mais ça, c'est plus difficile parce que à partir du moment où tu arrives avec quelque chose qui est purement sonore, il y a comme moins d'avenues potentielles. Si on pouvait penser à une installation graphique dans une petite salle d'une galerie, ça pourrait être intéressant. Je crois qu'il va faire son bout de chemin comme CD. Maintenant, moi, j'ai comme une version originale de 17 pages. Et là, je m'interroge un peu sur comment faire avec ça et d'autres poèmes un ensemble cohérent qui se tienne. Et à ce moment-là, c'est le jour où j'aurai cet ensemble cohérent, j'aurai un recueil. Mon idée, c'est simplement de prendre les CD que j'ai, puis d'oublier la pochette, d'oublier et l'intégrer à un recueil de poésie, ce qui permettrait d'avoir la version de 17 pages, la version qui a été modifiée pour être lue dans le CD comme tel, et les autres poèmes aussi en même temps. Donc, ce serait intéressant de le voir être diffusé comme ça. Et juste pour peut-être ajouter, c'est que la façon dont j'ai pensé le son, c'est très finement tricoté, en fait. Donc, de faire une version scène avec la musique, avec des trois récitants, tout ça, c'est un autre travail. C'est un peu faux. C'est autre chose. Il faut retourner en studio, puis retravailler les choses. Et peut-être avoir une durée plus longue, parce que là, on a une durée d'autour de 17 minutes. Donc, si on veut occuper une heure, ben là, c'est autre chose. Donc, faut penser autrement, mais à partir d'un même sujet, quand même. Hey, Sylvain Campeau, Chantal Dumas, merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir. 89.1. Composé du guitariste Tuck and Dress et de la chanteuse Patty Cathcart, le légendaire duo Tuck and Patty sera de passage au Théâtre Petit Champlain le 5 juin prochain. Depuis 36 ans, cet éclectique duo voix-guitare s'est formé une réputation exceptionnelle autant auprès des amateurs de jazz qu'auprès des amateurs de musique en général. Tuck and Patty au Théâtre Petit Champlain le 5 juin. 88-692-2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Tous les soirs du 9 au 19 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Arthur H, Chocolat, Milk and Bone, Ponctuation, Lisa Leblanc, Bertrand Bélin, Colin James et bien plus. L'imposante programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec, vous attend. Venez applaudir les artistes que vous aimez et faites de nouvelles découvertes dans une formule plus intime à l'Impérial Belle, au Petit Impérial et au Cercle. Dernière chance d'acheter votre laissez-passer au prix de 88 $, 98 $ à compter du 9 juin. Laissez-passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Belle en collaboration avec Molson Canadian. Tous les soirs du 9 au 19 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Arthur H, Chocolat, Milk and Bone, Ponctuation, Lisa Leblanc, Bertrand Bélin, Colin James et bien plus. Elle est vraiment super, la question du super. L'imposante programmation en salle, présentée par Groupe Voyage Québec, vous attend. Venez applaudir les artistes que vous aimez et faites de nouvelles découvertes dans une formule plus intime à l'Impérial Belle, au Petit Impérial et au Cercle. Dernière chance d'acheter votre laissez-passer au prix de 88 $, 98 $ à compter du 9 juin. Laissez-passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Canadian. On the dark side of the moon. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Deuxième demi-heure de La Croche-Oreille, Jean-Pierre Guay, Gaétan Gosselin, toujours avec vous. Nous sommes, Gaétan, on va bientôt, là, dans quelques secondes, passer à l'œuvre de nos deux invités. Mais déjà que dans l'ambiance de l'entrevue, on était comme dans le passé, dans le futur, dans la nature. On était avec des, il y avait des carrouges à épaulettes qu'on entendait en arrière-plan. Il y avait des camions. On était comme dans la nature et le modernisme, comme dans l'histoire pratiquement et la modernité. Oui, puis je dois dire que j'ai eu le privilège d'avoir deux artistes extrêmement généreux qui sont prêtés vraiment bon à l'exercice. Mais quand je parle de privilège, c'est tout de même Chantal Dumas qui a tenu le micro dans un univers où il y avait beaucoup de vent. Oui, hein. Mais on a aussi une expérience sonore, je dirais, à travers les propos de Sylvain et de Chantal qui concerne le territoire. On parle du territoire montréalais, mais combien de fois leur réflexion peut s'appliquer à ce qu'on connaît dans nos univers en termes de transformation de la géographie. Il parlait de Griffintown, tu sais, on a des projets ici aussi, là, on pense à Sillery ces temps-ci, il y a des gros projets immobiliers qui font un peu, on n'est pas dans le même contexte que Griffintown, mais il y a des projets immobiliers qui viennent changer les rapports entre les humains et leur univers actuel dans la cité, et je trouve qu'ils abordent beaucoup de sujets qui sont de nature humaine et de très actuels aussi. Ouais, ça nous rappelle que la géographie, elle est physique, elle est humaine, ben oui. Et à travers... je dirais les rapports de force entre les communautés culturelles ou les communautés ethniques à une autre époque, donc il y a un siècle et demi, et encore aujourd'hui, quand on regarde la répartition de certaines communautés sur des territoires comme Québec, ben il y a pas des ghettos en tant que tels, mais il reste tout de même que des découpages géographiques qui sont significatifs sur le plan sociologique. Donc de nous ramener à cette période de l'histoire, c'est tout de même intéressant, et de faire le maillage entre l'histoire d'un territoire, l'histoire d'une communauté et deux communautés, parce que la communauté autochtone, la communauté anglophone, la communauté francophone, je vais dire ça comme ça, et qui trace la voie à un travail artistique, et ça c'est fabuleux. Ben écoute, on c'est le cas de le dire, on va écouter cette œuvre là qui s'intitule tout simplement Havre au pluriel. Je sais. Mais je sais, moi, Mary Gallagher. Mira Mahino, Artasa Gome, Tosa, Marjani Hugon, Banagno, Dalusi, Agus William, Jo Jogi, Asagum Kadaharla. Comme le passant au fin bout du parc de la cité du Havre. Debout sur cet obélisque couché qui pointe vers les arrivées. Moi, je suis l'enrocheur. Et j'imagine les dates anciennes depuis mon 21e siècle. Et cette cité des âges âpres des hommes de leur terre. Sur cette pointe qui flotte sans attache naturelle, la cité du Havre s'éternise en péninsule étroite. 1,75 million de mètres cubes de terre, prothèse du quai de garde et de la jetée Mecaille, de l'îlot normandin aussi peut-être. Et sa voisine confond ses îles en une. Sainte-Hélène avale les îles rondes et vertes. Et Moffat a engraissé jusqu'à se faire Notre-Dame. Tout cela pour exposer universellement Montréal dans des sites traités au botox. Résidus terriens du métro de 1966. J'enrobe ici la pierraille de gaines métalliques pour en prévenir la dérobée. Je suis le réparateur des terres jetées, veilleur des soutènements du lieu sur cette île Guyon, d'abord créée pour éviter les débâcles du printemps. Soleil ample et la coupe du vent. Rien ne se dressait d'abord à l'obstacle. Et les navires d'antan misèrent sur la pleine eau. Entrés par la large bouche du fleuve, évitèrent rapide et cavalcade frivole pour la mise en rade auprès de la butte. Et passèrent là où n'était rien encore. Pour arriver ici, jeté, avant rapides et au vide, avec, derrière moi flotter ici au-delà, la plus grande part de Cañadaloana. Avant Caboto même. j'ai touché terre. Devant une île en sentinelle, en vigie d'une autre, plus grande, bombée d'une montagne au front de baleine, avec traces de passages fréquents et d'échanges fructueux. The word we used to refer to the call is Jorjagi. Onunda. Mountain? Onunda. And we say Onunda. Onunda. Onunda. Onunda. Scott Nigura. Kwaknoge. Gansaluana. Kwaknoge. Okay, pass. Or you could say depending on what side of Kahnawake you live. So the first word is river. Say Kanyadaruhana. M'accueille d'abord ceux du déjà là qui se disent Kanyakehaka. Il nomme ce lieu Chujage, pied de la montagne Ononta. Là, le vent se sépare. Explorer, comme et avec eux, le tout de ce monde, trouver chemins et rivières, crues et débâcles, pas plus riche qu'avant, autant sourd que de tout temps, tout est pour moi, partout. Kanawaka. Résonance vide. Lancer à une chose qui ignore habiter là et se reconnaître telle. J'ai beau parler le Kanyenkeha, je n'y entends pas plus qu'avant. Ganyadalowan. Je ne suis pas le premier. Gagne d'Alouana. Gagne d'Alouana. À prendre en prise en cette terre. Je vois d'ici l'ouverture du canal construit pour aller outre Ville-Marie. Canal de Chine. Thank you. je n'y étais pas. Car les femmes n'ont pas leur place en ces loges du canal de Chine. Enquêvées dans un tourbon giclé. Sous le pas des hommes qui la rabattent, au-delà, en cet été de 1844. Je n'y étais pas. Mais je sais, moi, Mary Gallagher, qui tient commerce au coin de Dalhousie et William. Ça aurait ça, mais le hockey est dans ce cache. Je sais ce qui s'est passé. La peine est dure à ceux qui dépendent du beau temps pour ouvrir la terre à l'eau d'un canal à venir. Par lui, on espère voir tout l'intérieur du pays se jeter à nos portes. Nous irons d'écluse en écluse porter marchandises et gens, et les rives bricotées s'en auront d'industries veillantes et prospères. Tout un cordon de manufactures et hautes fabriques où séchent nos grands travailleurs de l'âge du fer, de la tâche répétée à outrance et des gages famélèques, œuvrant pour la rail du Grand Trunk dans l'acier et le charbon aussi. Je les ai vus débarquer des bateaux cercueils où s'entassaient Corconian et Connaught, Tuzuni, rescapés du typhus et arrivés par steamer à la ville Marie. Chonik me de l'orig l'ostin, voyez. Je les ai vus trouver logis sur des terres qui leur sont louées à raison d'une piastre par mois. En parcelle de 12 par 20 pieds, y bâtissant cabane à l'aide de rugueux madriers vendus par le locataire. Ainsi vont les jours, entre le travail irrégulier, Ron. Le salaire remis en banc de singe, sel, thé, sucre, tabac, galouna. Les vivres achetés avec 6 centos sur le comptoir de la même compagnie, et le logement. Ce lieu revenant à celle-ci. Lower and lower, portage. Mais les journaliers firent enfin un jour autre, dont j'ai souvenance meurtrie. En louant filter, ça. Bloc et coalition, quand les heures s'allongèrent et les appointements se contractèrent, ils exigèrent juste rétribution. C'était le 12 juin 1843. Et en ce lundi rouge de réclamation justifiée, moururent 4 hommes, dont les noms languissent dans les bas de page de l'histoire. Kaharifar Marov. William Dowie. William Dowie. Nilas O'Higgins. Nilas O'Higgins. Thomas McBeonish. Bernard Gormley. Bernard Gormley. August Bertella. Plus 2 inconnus passagers clandestins d'un riot de Colisée. Ancêtres syndicalisés par la faim. Grévistes déjà. Prolétaires sans le savoir. Assemblés en face de l'Hôtel Grant à Saint-Timothée. Et seul le père John Falvey les pleura et signa d'une croix compatissante et vaine. Terminé. Nora Frigiorme. Je n'y étais pas, mais je sais. Je n'y étais pas, mais je sais. Je n'y étais pas. Je sais ce qui s'est passé. ce matin, tôt, j'ai imaginé la terre fondre de partout et régresser jusqu'aux eaux et même jusqu'aux glaciers, glisser dessous comme un présage et un souvenir à la fois, dans une évolution glacée et inquiète qui ne saurait plus à quelle extrémité du temps se porte le futur. Ben, c'était Sylvain Campeau et Chantal Dumas. En fait, une œuvre de Sylvain et de Chantal avec des voix. Et moi, j'ai beaucoup aimé, notamment le travail de Chantal Dumas là-dessus, sur toutes ces ambiances à la fois modernes et anciennes qui s'enchevêtrent, et finir avec la petite flûte traversière. Je trouve qu'elle a fait un excellent travail de mise en ambiance de ce document-là. Moi, ce qui m'a vraiment un peu impressionné, ça a été toute l'attention qu'ils ont portée au choix des voix. Oui. Et ça, c'est un côté un peu pédagogique pour nous qui sommes pas des spécialistes, mm-hmm. je dirais, de la construction, de la réalisation, de la création sonore, d'entendre ces gens qui laissent rien au hasard et ça donne, je dirais, toute cette texture et je dirais toute cette crédibilité mm-hmm. à la matière intellectuelle qui traverse les mots. Mm. Donc c'est un disque qui est disponible, qu'on peut trouver, j'imagine, dans des endroits comme chez Sillon, le disquaire, avant que ça ferme d'ici cet automne, malheureusement, quelle triste nouvelle. Donc Chantal Dumas et Sylvain Campeau, un disque qui s'intitule tout simplement « Havre ». Et j'inviterai les auditeurs à aller sur le site de Chantal Dumas, Chantal Dumas dans un .com, je crois, ou .org, il s'agit de voir, on pourra le mentionner tout à l'heure, et on pourra trouver le chemin pour se procurer ce magnifique album, pochette conception graphique qui est vraiment merveilleuse, mmh, oui. Et puis avec des collaborateurs de belle qualité. Une belle réalisation. Ben, on va passer maintenant dans un tout autre univers, mais là, carrément, on sera pas dans la finesse, si je peux dire, parce qu'on va on va parler du travail d'Alexis Bellavance. Alexis Bellavance, qui est un bonhomme qu'on connaît depuis longtemps dans le milieu de l'art sonore, c'est quelqu'un qui est membre de l'ensemble d'Art Audio Bold, il est fondateur et programmateur du Festival de Performance Viva Art Action, et évidemment membre du collectif Perte de Signal. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de temps, qui a beaucoup de durée dans le domaine de l'art sonore. C'est un peu comme un gars qui me fait penser beaucoup à Éric Dorion, un gars de Montréal qui est très impliqué dans ce domaine-là. Et Alexis propose actuellement une installation extrêmement impressionnante chez Regard, qui s'intitule Premier et qui est là jusqu'au 16 juin. Donc, on a encore un bon 2 semaines pour aller voir ça. Essentiellement, Alexis part d'une matière première, qui sont des batteries, des éléments de batterie, des grosses caisses, des cymbales, des petites caisses, des caisses flair. Et tout ça, il y en a une quantité phénoménale qui est disposée, ça et là, partout, et qui est éclairée par des plexiglas orange, jaune, un peu comme si ces batteries-là, le son de ces batteries-là explosait. Car à partir du moment où on met le pied, parce qu'il y a un capteur de son, de mouvement, dès qu'on s'approche un peu de cette installation-là, ça explose littéralement, c'est une explosion sonore, et tout ça, envahit l'ensemble de la petite salle de Regard, et jusqu'à ce qu'on se recule et où finalement il ne reste qu'une petite caisse qui continue de fonctionner, ce qu'Alexis appelle son fantôme qui marche un peu malgré tout le reste. Donc une installation extrêmement impressionnante et qui est en quelque sorte un clin d'œil à ces gros groupes de métal, ces drummers qui sont expansifs et qui en mettent plein la vue, plein les oreilles. Donc Alexis nous en met à la fois plein la vue et plein les oreilles, et ça se passe chez Regard jusqu'au 16 juin. Alors je nous invite à écouter un petit extrait sonore de son travail. Bon, alors, on a un petit problème avec, avec mon extrait sonore. Jean-Pierre, on a un petit problème avec le disque, lecteur. Hein, lecteur. Hein. Et ce que je te propose, je te fais une proposition live. J'avais apporté avec moi un extrait d'une œuvre qu'on a fait entendre en cours de saison d'Alexis Aura et qui s'appelle Bugs. Alors, ça pourrait combler notre problématique. Alors, une autre Alexis. Dans ce cas-ci, c'est Alexis. Évidemment, c'est une femme, mais Alexis va répondre à Alexis. Voilà. Ben, c'est un beau clin d'œil. Alors, je vous dis tout de suite que c'est jusqu'au 16 juin. Et on va se laisser sur cette pièce-là. J'imagine. Non, on a le temps de revenir pour un autre petit micro, puis on y va. Now I'm in my head. C'était Alexis O'Hara. Dans un tout autre registre que celui que vous auriez entendu, auquel vous auriez été confronté si vous aviez entendu la pièce d'Alexis Bellavance, mais je vous invite à aller l'écouter directement chez Regard. On va se laisser là-dessus et on s'en va vers une petite pause publicitaire et au retour, ben, nous restez avec nous parce que nous avons une deuxième heure qui est notre vraie heure habituelle avec Nicolas Jobin. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.